quoi ? Une radio pour moi ? Notre radio ? Radio Arc-en-Ciel. S comme souvenir, tous les vendredis entre 14h et 17h avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel organise son bal de commémoration de la Révolution des œillets le samedi 21 avril, salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc. À cette occasion, on a décidé de vous dérouler le tapis rouge. Si je vous dis, en portugais é mais linda. Algumas são beatas. O autocarro do amor. Só se o maneiro apertar o cinto. Bom, allez, arrêtons le mystère. Jorge Ferreira e sua banda seront parmi nous avec le groupe de bal Nova Imagem pour animer la soirée. Alors réservez dès maintenant votre samedi 21 avril à partir de 21h, salle Montition à Saint-Jean-Blanc pour une soirée exceptionnelle avec Jorge Ferreira e sua banda. On compte sur vous tous. Hey Christina, tu crois qu'Irina, elle sera là? Irina? Mais oui, Irina, tu sais bien, t'as grandes ibouas, pas laissé me louas. Allez, arrête. E prontas à comer, anda lá. Voilà donc, bonjour à tous, à tout il est tout pile 14h et 2 minutes, voilà, et bien nous sommes déjà le vendredi, déjà le dernier, et bien, oui, du mois, et oui, ça passe très très vite, nous sommes déjà le dernier du mois de mars. Voilà donc, et bien nous sommes ensemble pendant les 3 heures avec beaucoup de chansons différentes, entre 1950 jusqu'en 1955. Voilà, puis aussi j'espère que vous avez passé une bonne matinée avec l'émission de Ferreira entre 9h jusqu'à midi. Bien sûr qu'on va le retrouver la semaine prochaine. Puis vous savez qu'au cours de l'émission, vers 14h20, 15h20 et puis 16h20 aux alentours, eh bien on écoutera une chanteuse. Donc on écoutera Gloria Lasso. Voilà, ben, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi en ma compagnie. Donc, et puis aux alentours de 15h, on va faire un petit tour avec du côté du Portugal. Et bien, on va gentiment débuter l'émission avec Florel. Le titre s'appelle tout simplement « Ça fait passer un moment ». Derrière son dos, son poire, son jabote. passer un moment agréablement, on trouve ça charmant. Pour la détaillante en entier, cela s'est tout payé, sans doute une critique. Quand elle part, on peut lui dire avec un gracieux sourire. On a passé un moment avec vous vraiment charmant. Que de fois ce temps tous nous cherchons plein de constante, des pas folichons l'existence. Il y a la nuisette gênée et la danse, il y a les fontinés et le ciné. Vous oubliez peut-être l'amour, tiens, c'est vrai, c'est le meilleur pourvu qu'il soit court, il paraît. Ça fait passer un moment agréablement, on trouve ça charmant. Mais vous pensez servisé au même baiser, jamais refusé. La dame ignore que plus elle pratique la volupté, plus elle vous fatigue. Oh, ça c'est fantastique, j'en ai l'identique, l'identique sentiment. Ça fait passer un moment agréablement dans le commencement. Pour éviter la froidure, il ne faut pas qu'elle dure la petite aventure. Quand elle part, on peut lui dire avec un gracieux sourire. On a passé un moment avec vous vraiment charmant. Voici donc Marc Dubin avec Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Est-ce dans le cœur, est-ce dans la peau, est-ce dans la tête? Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je suis indécis, je tourne au vent comme une girouette. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. J'aime le violon et j'apprends à jouer de la trompette. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je fais tout ce que je peux pour amincir. Je fais de la culture physique. Je prends des bains turcs et des heures sans faiblir. Je subis des massages scientifiques. Au restaurant invité, je dis une tomate et un thé. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Mon voisin de gauche savoure une entrecôte pommes frites. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Ce que ça sent bon, je sens que ma volonté s'écrit. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je prends le bifteck, je prends les pommes, je prends les cuites. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Quand je vois papillonner mon amant, je lui dis vraiment, tu exagères, t'es frivole et coureur et tyran. C'est fini, je retourne chez ma mère. Plus jamais tu ne me reverras, il me prend dans ses bras. Je ne sais pas ce qui se passe. Qui remue les genoux, qui plie le cœur, qui s'arrête. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je suis envoûtée, entortillée, je perds la tête. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Et dans ses bras, je me laisse voir comme une barbelette. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Certains soirs, je me dis que mon métier, que le théâtre, c'est un vrai martyr. Il nous dévore, ni repos, ni liberté. Je lâche tout dans le cantal, je me retire. Mais on me crie, à vous, Marie, et quand je suis ici, je ne sais pas ce qui se passe en moi. Dès que je respire l'air du plateau, alors tout change. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je suis exaltée, je suis contractée, oh quel mélange. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. En moi, je sens bouillonner une ardeur étrange. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Il faut que je chante, il faut que je danse, il faut que je pirouette. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je dis une chanson, puis dis une image, j'ai le cœur en fête. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Pour m'arrêter, il faut que le rideau me tombe sur la tête. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Voici donc Fandel. Souvenez-vous quand nous nous rencontrâmes, c'était le printemps, les bourgeons bourgeonnaient, et tous les deux nous attendions le drame, mais nous n'étions pas devant un arrêt. C'est comme ça que pendant plus d'une heure, je suis resté les pieds dans le ruisseau. J'aurais voulu jusqu'à votre demeure vous enlever dans un taxi auto pour que vous m'eussiez dit oui. Il eût fallu que je vous le demandasse, pour que je vous le demandasse. Il eût fallu d'abord que je l'osasse, que je vous séduisisse avec mes yeux d'acier, mon regard en coulisse, et que vous me visiez. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mais je n'ai pas osé, osé, osé. Depuis ce jour, ce fut de la folie. Je vous suivis partout aveuglément, et j'ai connu l'affreuse jalousie en connaissant vos 33 amants, en regardant par le trou de la serrure. Je vous ai vu les mordre et les griffer, et je me disais en me mettant la ceinture, tout ça pourquoi qu'elle te l'aurait pas fait. Pour que vous m'eussiez dit oui, il eût fallu que je vous le demandasse, pour que je vous le demandasse. Il eût fallu d'abord que je l'osasse, que nos mains se mélassent, que vous frissonnassiez, que je vous sermonasse, que vous en pâtissiez. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mais je n'ai pas osé, osé. Voici donc le petit cornonnier avec simplement Francis Lamarck. Un petit cornonnier qui voulait aller danser avait fabriqué de petits souliers. Une belle est entrée qui voulait les acheter, mais le cornonnier lui a déclaré: ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête? Crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers? Mais la belle accepta, elle emporta sous son bras les petits souliers pour aller danser. Cordonnier tout réjoui a mis ses plus beaux habits et ses pomponnés pour la retrouver. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui rit au nez d'un petit air futé. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui rit au nez d'un petit air futé. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête? Crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers? Mais à peine la belle avait-elle fait trois pas que ses petits souliers furent ensorcelés. Elle se mit à tourner comme une toupie déréglée, et les musiciens n'y comprenaient rien. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin, et tout épuisé se mit à pleurer. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin, et tout épuisé se mit à pleurer. Petit cordonnier, arrête, arrête, tu m'as fait tourner la tête, tête. Tu ne dois pas être bête, bête, pour m'avoir ensorcelé. Petit cordonnier, arrête, arrête, que ta volonté soit faite, faite. Toute ma vie, le cœur en fête, fête, dans tes bras je veux danser. Gentil petit cordonnier. Voici donc Josephine Baker avec Nuit d'Alger. Avec un morceau du jazz. We'll be right back. Voilà, donc juste après tout simplement, on va écouter du chanson du Brésil avec tout simplement, il est 14h23. Voici ta première chanson de Laia Lasso. Voilà. Et le titre s'appelle tout simplement Bonsoir le Brésil. Bonjour Brésil, pays d'amour. Bonjour Brésil, vers toi j'accours. Quand le bâton devant Rio arrive au port, quel beau tableau, quel beau décor de pourpre et d'or. Tant de couleurs me font rêver. Parmi les fleurs je vais marcher, je vais d'un pas léger, je vais le retrouver. Mon cœur revient d'exil. Bonjour Brésil. Et mon retour, vers toi j'accours. L'heure est venue de s'amuser et de danser. C'est la samba aux mille éclats qui nous salue. Au long des rues, tous nos amis ont l'air émus. Qu'ils sont gentils, partout la joie nous suit. Et dans la frénésie, mon cœur oublie l'exil. Bonjour Brésil. Est-ce comme souvenir, tous les vendredis entre 14h et 17h avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. La brise embaume le jasmin. Il y a bal sur la pelouse chez Muchacha l'Andalouse. Muchacha est la reine du bal dans sa robe de flamme. Muchacha a le regard fatal et son sourire en flamme. Elle rêve de folie, celui qu'elle est mal oublié. Ses pieds nerveux et cambrés frappent le sol en cadence. Tous les hommes sont troublés par la volupté de sa danse. Oh, oh, oh. Premier amour est bien mort pour toujours, mon cœur sentimental. Et là, des coffres remplis d'or, des présents, des riches trésors, une vierge noire authentique et des bijoux magnifiques. Muchacha est la reine du bal, chaque soir elle danse. Muchacha, son regard fatal recherche une présence. Elle rêve de folie, celui qu'elle est mal oublié. Ses pieds nerveux et cambrés frappent le sol en cadence. Tous les hommes sont troublés par la volupté de sa danse. Oh, oh, oh, oh. N'a plus qu'un seul désir, c'est de faire souffrir. Muchacha, et faire mourir d'amour pour ses yeux de velours. Rien que pour son plaisir, rien que pour son plaisir, rien que pour son plaisir. les Sœurs Étienne avec Ching Ching. Ching ching ching, ooba balou. Ching ching ching, ooba balou balou. Ching ching ching ching. Ching ching ching, ooba balou balou. Ching ching ching, ooba balou. Ching ching ching, ooba balou balou. Ching ching ching ching. Ching ching ching ching. Et ses yeux tirés en amande d'arrondier, et ses joues douces comme des pommes de pommier, et son nez petit nez de sapajou qui sentait le thé, le goûté en salle, le vanté chinois de son papa était si mignon sous son gros chignon que je me suis rapproché. Ching ching ching, ooba balou balou ba. Ching ching ching, ooba balou. Ching ching ching, ooba balou balou ba. Ching ching ching ching. Ching ching ching, ooba balou balou ba. Ching ching ching, ooba balou. Ching ching ching, ooba balou balou ba. Ching ching ching ching. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Pluriel. Une émission proposée par Manu tous les vendredis entre 19h et 20h30. Voilà donc, et puis juste après, vous écoutez tout simplement entre 20h30 jusqu'à minuit, l'émission Barricam, entre Alcalmino, tout simplement, donc juste après, entre 20h30 jusqu'à minuit. Et puis donc pour le demain, nous sommes déjà samedi demain, le 31, oui, et donc ce sera entre 11h jusqu'à 14h, vous allez retrouver Arc Info Musique, tout simplement avec Sébastien et moi-même. Et puis juste après, vous écoutez l'émission le samedi Latinos avec Sabrina entre 14h et 16h. Et puis juste après, 16h et 18h, le petit bal du samedi soir avec Michel. c'est aussi ça. m'a donné l'âme d'un artiste, ses pistons. Qu'est-ce qui m'a rendu toujours optimiste, ses pistons. Qu'est-ce qui m'a fait venir à Paris, ses pistons. Qu'est-ce qui me fera un nom dans la vie, ses pistons. Piston solo, chez moi j'étais connu, tout le monde m'appelait tutu-cutu. C'est sans doute ça, chérie, qui t'avait plu, puisque tu m'as fait d'un air entendu. Toi t'as qu'à me dire, toi t'as qu'à me dire tu, que t'as osé me dire pourquoi si j'ose. Tout à coup j'ai dit, tout à coup j'ai dit tu, j'avais osé et j'en étais tout chose. Toi t'es cochon d'amour, t'as susurré pourquoi si je te susurre. Toi t'écoutais toujours, que je te susurre au fur et à mesure. Dis rien à papa, dis rien à maman. C'est vrai que papa disait à maman. Toi t'es qu'à terre, toi t'es qu'à terre, tu te caches à ton père. Puisqu'on s'est marié sur une note joyeuse, piston. Notre union sera aussi harmonieuse qu'un piston. Qu'est-ce qui nous mettra dans une bonne combine, c'est piston. Car tu sais ce qu'il fait marcher la machine, c'est le piston. Quand je te chanterai, chérie amoroso, tu me diras, oh là là, que c'est beau. Nous ferons tous deux un très joli duo. Moi je ferai la basse et toi tu feras le haut. Tous deux comme deux oies, tous deux comme deux oiseaux. Nous serons heureux et gazouillons ensemble. Tu t'occuperas de l'or, tu t'occuperas de l'enfant. Tu seras aux anges, surtout s'il me ressemble. Ton petit garçon joue, ton petit garçon jouera. Piston comme moi, ce sera magnifique. Tata qu'à j'y apprends, tata qu'à j'y apprendrai. Car dans la vie, faut connaître la musique. Je serai papa, tu seras maman. Plus tard grand papa, plus tard grand maman. T'as-tu compris, t'as-tu compris, t'as-tu compris la vie. T'as-tu compris, t'as-tu compris, t'as-tu compris la vie. Voilà. Voici donc Daria Moreno, c'est magnifique. Donc eh bien, c'est magnifique d'écouter des musiques sur Arc-en-Ciel. Il vous prend par le bras, oh là là là. C'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux. Oh là là là. C'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs. Oh là là là. Mais c'est magnifique. Magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça. C'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent 45 jours. Oh là là là. Mais c'est magnifique. Là-haut. Mais c'est magnifique. C'est

moi toujours ses mains parlaient. Contre lui, elle m'attirait. Expressive, électrisante, l'amour les rendait affolantes. Ensorcellement merveilleux, tout mon corps vibrait dans ses mains. Et je ne refusais plus rien. À moi, les mains blanches qui m'enchantaient, les mains sûres qui me berçaient, les mains douces qui pardonnaient, les mains chères que j'adorais. Voici donc Rudy et Ruyen avec Pancho Villa. Manola, aussitôt que je pense à toi, mon cœur bat plus vite et plus fort chaque fois. Manola, je fais les rêves les plus fous. Dans tes bras, le monde semblerait si doux. Et derrière toi, ma chanson s'en va. Je sais déjà, Manola, qu'un jour je te dirai pourquoi mon cœur bat plus vite et plus fort près de toi. Je ne sais pas si je l'aime, mais autour de moi tout chante. La nature est un poème qui me ravit et m'enchante. Le reflet dans mon ciel bleu sur le bord de la rivière semble attendre la prière d'un ange venu des cieux. Manola, aussitôt que je pense à toi, mon cœur bat plus vite et plus fort chaque fois. Manola, je fais les rêves les plus fous. Dans tes bras, le monde semblerait si doux. Comme souvenir, tous les vendredis entre 14h et 17h avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel organise son bal de commémoration de la Révolution des œillets le samedi 21 avril, salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc. À cette occasion, on a décidé de vous dérouler le tapis rouge. Si je vous dis

admire les bouquets de plumes, des palmiers au clair de lune. Ce paradis de merveilles, il le doit à la bouteille, que dans le port de Marseille, l'été dernier il a pêché. À l'intérieur se trouvait un long message secret, tout un plan détaillé qui disait: enfoui au milieu du nid, dans la jungle au cœur hostile, se trouve un trésor immense qu'un pirate avait caché. Dans tes bras nerveux, ma taille va plier. Fais-moi faire mille et mille tours. Mais pourquoi me parler d'amour? Danse, danse, l'air vainqueur. Pourtant ne crois pas faire ma conquête. Si je perds parfois la tête, jamais jusqu'ici je n'ai donné mon cœur. Le danseur n'a pas d'importance. Aujourd'hui c'est toi, demain passant. Ce que j'aime, vois-tu, c'est la danse. Pour cette folie qu'elle met dans mon sang. Danse mon beau cavalier, toi qui dois partir demain dès l'aurore. Dans tes yeux je vois briller l'ave d'un désir que tu voudrais crier. Ne dis rien, je n'écoute pas. Serre-moi plus fort dans tes bras. Danse mon beau cavalier, je n'ai pas de cœur et nul ne l'ignore. Danse, danse, danse encore. À peine parti, tu seras oublié. Danse, danse, danse mon beau cavalier. Danse, danse, danse mon beau cavalier. Danse, danse, danse mon beau cavalier, toi qui dois partir demain dès l'aurore. Dans tes yeux je vois briller l'ave d'un désir que tu voudrais crier. Ne dis rien, je n'écoute pas. Serre-moi plus fort dans tes bras. Danse, danse, danse mon beau cavalier, je n'ai pas de cœur et nul ne l'ignore. Danse, danse, danse, danse, danse encore. À peine parti, tu seras oublié. qu'une autre voix ne dise mieux que moi, te quiero. Ce mot dans mon pays, vois-tu, ne se dit qu'une fois. À l'instant où l'on croit que l'amour c'est toujours, te quiero. Bien sûr, tu peux trouver ailleurs de femmes plus jolies qui troubleront ton cœur sans souci de mes pleurs et de mes cris. Mais moi, comme une enfant perdue parmi tous ces dangers, pour me sauver que ma fidélité, te quiero. Un jour comme un enfant perdu, si tu me revenais, je te consolerais, je serais oublié pour te garder. Ce jour-là, notre amour, vois-tu, sera beaucoup plus fort. Nous serons Quand un soldat de l'armée américaine chez nous se promène sur les boulevards, pour bien se faire comprendre, il a de la peine. Il se démène et pique son phare, avalant son chewing-gum d'émotion. Il entame une conversation. Oh là là, good morning mademoiselle. Oh là là, I go to l'opéra. Oh là là, je speak pas very well. Oh là là, c'est-il là ou pas là? En souriant, la petite parisienne dit gentiment, justement je vais par là. Oh, oh, oh là là, heureux de cette aubaine. Oh là là, il la suit pas à pas. Oh là là, pour lui c'est un coup de veine. Oh là là, elle va là où il va. En chemin on fait un petit brin de causette. Elle n'est pas bête, il est gentil. On ne parle pas la même langue, on le regrette. Pourtant coquette, elle sourit. Elle cherche à dire des mots anglais. Lui très galant, lui répond en français. Oh là là, bonjour mademoiselle. Oh là là, hello, qu'elle fait comme ça. Oh là là, je pense you are très belle. Oh là là, you very beau soldat. Évidemment, c'est assez limité. Oui, mais ça crée un peu d'intimité. Oh là là, on fait vite connaissance. Oh là là, il offre du chocolat. Oh là là, ça remplace l'éloquence. Oh là là, dit-elle, on se reverra. C'est ainsi parfois qu'un petit flirt commence. Douce romance, on est épris. On bouscule un tout petit peu les convenances. Plein d'espérance, un jour on dit ces petits mots venus d'un cœur sincère qu'une femme comprend sans dictionnaire. Oh là là, I love you mademoiselle. Oh là là, voulez-vous kisser moi? Oh là là, mais c'est pas sérieux, dit-elle. Oh là là, faut que j'en parle à papa. Et cependant, en un sourire charmant, en fait papa, elle murmure, maman. Oh là là, bientôt devant monsieur le maire. Oh là là, l'histoire se finira. Oh là là, de grands pays de la terre s'uniront. Et c'est très bien comme ça. Chut, je vais retrouver mon pays. Le train bondit et me redit toujours à ce qu'on est bien sur le chemin du retour. Peu à peu, je vois au fil des gares mon passé joyeux qui danse dans l'air du soir. Chut, j'ai le cœur tout plein de chansons. Paradou, chut, je vais retrouver ma maison, mes rêves jolis, chic, et tous mes amis, chic, c'est le plus beau jour de ma vie. Roule donc, mon joli train, pense à toute vapeur vers la douceur du lointain. Qu'il fait bon rentrer chez soi, qu'il fait bon chanter sa joie. Le long des rails à grand goût, mon cœur tressaille comme un fou. Chic, je vais retrouver mes amis. Chic, je vais retrouver mon pays. Le train bondit et me redit toujours à ce qu'on est bien sur le chemin du retour. Peu à peu, je vois au fil des gares mon passé joyeux qui danse dans l'air du soir. Chic, j'ai le cœur tout plein de chansons, pabarouchik. Je vais retrouver ma maison, mes rêves jolis, chic, et tous mes amis, chic, c'est le plus beau jour de ma vie. Je vois au fil des gares mon passé joyeux qui danse

toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc un flèche avec mon duo, c'est Patrice et Mario, c'est bon moment. Voici le titre Étoile de Castille. D'été cette nuit, sous les palmiers berce l'ombre endormie. Et moi je danse, je danse, je danse, et je sens mon cœur battre au rythme de ton cœur. Le vent répète en chantant que bien souvent le bonheur n'a qu'un temps. Mais moi je danse, je danse, je danse en lisant au ciel que l'amour est éternel. Étoile de Castille, tu brilles pour notre amour. Petite étoile, sois gentille, protège-nous jusqu'au jour. Et dans le ciel où tu scintilles, nos rêves dansent toujours. Petite étoile de Castille, tu veilles sur notre amour. Briller dans tes yeux, de notre étoile un reflet merveilleux. Chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et tout chante en moi les merveilles de ma joie. Quand tu seras loin de moi, toujours au ciel notre étoile luira. Son feu qui danse, qui danse, qui danse, te guidera, et bientôt tu reviendras. Étoile de Castille, tu brilles pour notre amour. Petite étoile, sois gentille, protège-nous jusqu'au jour. Et dans le ciel où tu scintilles, nos rêves dansent toujours. Tu veilles sur notre amour, tu veilles sur notre amour, protège-nous jusqu'au jour. Depuis que le monde est monde, claquer des dents, claquer du bec, les pauvres gens dansent la ronde pour gagner un maigre bifteck. Mais voici venir une époque qui va faire de nous des héros. Du froid de la faim, on se moque, on sait enfin durci les crocs. On s'est blindé tout l'œsophage, on s'est cuirassé l'estomac. On a des gueules d'anthropophage et des mâchoires qui ne pardonnent pas. C'est la polka des mandibules. Coin, coin, cric, crac, cric, on bouffe des briques, on fait des bulles. Coin, coin, cric, crac, cric, pour nous faire avaler les briques. Coin, coin, cric, crac, cric, les mandibules n'ont qu'à. Oui, les mandibules n'ont qu'à. Non, les mandibules n'ont qu'à. Non, c'est la polka. Le jour arrive, ou quoi qu'on fasse, on verra s'épuiser les stocks de cette nourriture qui lasse et dont notre appétit se moque. Notre fringale est héroïque, notre fringale s'attaque à tout. On mastique du cuir et des briques, on trouve que le ciment a bon goût. Pour manger, plus besoin de cartes, plus besoin de fourchettes, de couteaux. On met du granit sur des tartes qu'on démolit à coups de marteau. C'est la polka des mandibules. bulles, coin, coin, cric, crac, cric. On bouffe des briques, on fait des bulles, coin, coin, cric, crac, cric. Pour nous faire avaler les briques, groin, groin, cric, crac, cric. Les mandibules n'ont qu'à, mais oui, les mandibules n'ont qu'à, mais non, les mandibules n'ont qu'à danser là. Polka, ah, vive nous, vive les surhommes, vive les costauds de l'avenir. Sur le passé, un bon coup de gomme pour effacer les sales souvenirs. Écoutez la chanson nouvelle qui va gagner le monde entier. Écoutez-la qui vous appelle en faisant claquer son dentier. Car enfin, pour sauver le monde, nos arrière-petits-fils pourront avaler en une seconde l'or et l'argent et les canons. Les mandibules n'ont qu'à, mais oui, les mandibules n'ont qu'à, mais non, les mandibules n'ont qu'à danser la polka. Bon appétit. Le vent de chaque nuit emporte dans son tour du monde l'ombre des amants d'un jour. Et sous d'autres étoiles, tous ces amants dans le silence dansent leurs brèves amours. Amour perdu, amour disparu, je vous cherche le nom. Chantant tout le long des rues. Amour passé, amour effacé, pourquoi donc m'être apparu? Votre sourire est sans souvenir. Passe la main dans la main. Et dans ce grand bal noir qui tourne et jamais ne s'arrête, passe sans jamais nous voir. Amour perdu, amour disparu, je vous cherche le nom. En chantant tout le long des rues. Amour passé, amour effacé, pourquoi donc m'être apparu? Votre sourire est sans souvenir. Dans son tour du monde, l'ombre des amants d'un jour. Pourquoi ces guerres? Pourquoi le monde est à l'envers? Souiller le ciel, la mer, la terre, qui cela peut-il satisfaire? Les hommes sont-ils devenus fous pour mettre les peuples à genoux? Aujourd'hui je crie au secours, je lance un appel à l'amour. Serait-ce la fin de notre ère? Alors... rien faire. Je suis sûr qu'il est encore temps de changer les événements. Souiller le ciel, la mer, la terre, mais qui cela peut-il satisfaire? Avoir des étoiles plein les yeux suffirait à nous rendre heureux. De concerto en symphonie, elle était si belle la vue, avec les chants des troubadours qui parlaient simplement d'amour. Il n'y a plus que Dieu le Père pour purifier la terre entière. Je voudrais faire une prière afin que les hommes redeviennent frères, et pour qu'ensemble chaque jour ils puissent semer tant d'amour. Si l'espoir était de retour, il serait si beau le parcours. Il faut penser à nos enfants, pour eux il faudra nous instruire, pour assurer dès à présent leur sauvegarde, leur avenir. Il y aura beaucoup à faire, mais de l'ombre naîtra la lumière. Voici du tango. Radio. Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc, il est tout pile 15h52, voici la suite des émissions pour le week-end. Donc eh bien, à partir de 18h jusqu'à 18h-20h, vous allez retrouver l'émission Porte Ouverte au Sport avec José, Amir Giraud et Bruno. Même pluriel tous les samedis soirs de 20h à 22h donc sur les nouveaux horaires de cette émission de Méditerranée Maghreb pluriel avec Hassan au micro chaque semaine. N'oubliez pas d'être fidèle au rendez-vous. À bientôt. Voilà, et puis juste après pour le dimanche vous allez retrouver tout simplement entre 8h jusqu'à midi, non pas 11h pardon, jusqu'à 10h, vous allez retrouver donc 8h-10h, vous allez retrouver Quentin Dougano avec Antonio et Mathieu. Juste après, entre 10h, 12h30, le téléphone sonne, donc c'est à vous de faire la programmation avec des chansons que vous aimez en portugais. Voilà donc avec Katia, Alex, Jérôme, voilà. Et puis juste après, entre 12h30 jusqu'à 15h, avec le retour avec Michel, l'accordéon de nos régions. Avec donc aussi les chansons, et je vous laisse avec en duo, c'est Patachou avec Maurice Chevalier. Le titre s'appelle Tant pis, tant mieux. La lune qui est froide comme un glaçon. Ce soir est en pleine rigolade, avec les nuages qui se baladent, la vla qui joue à saute-mouton. La lune s'amuse, elle a de la peine, moi je m'ennuie en t'attendant. C'est peut-être pour ça que t'as de la peine, ou peut-être seulement parce que t'attends. Peut-être aussi à cause du refrain qu'un mendiant dans la rue a chanté ce matin. C'est tant pis, c'est tant mieux, si l'amour a des ailes, c'est pour mieux s'envoler au soleil des beaux jours. Amoureux, prenez garde à la saison nouvelle, car c'est aussi le temps des nouvelles amours, et tant pis pour l'amour. La lune se fout des amoureux, avec son air d'enfant malade, dans un nuage aux couleurs fades, elle est allée dormir un peu. Elle ferait mieux de faire de la lumière, pour que je te voie venir de loin. Si le ciel est un saut réverbère, t'as plus qu'à rester dans ton coin, tout seul avec ce sale refrain qu'un mendiant dans la rue a chanté ce matin. C'est tant pis, c'est tant mieux, si l'amour a des ailes, c'est pour mieux s'envoler au soleil des beaux jours.

Et nos enfants feront des gars que les filles un beau jour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu, que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Et mon Dieu, que j'aime sous leurs bonnets oranges tous les visages d'anges des enfants du Pirée. Voici donc la troisième chanson de Gloria Lasso avec le titre, ça s'appelle Scooby-Doo. Scooby-Doo-Bidoo, Scooby-Doo-Bidoo, Scooby-Doo-Bidoo, Scooby-Doo-Bidoo. En una fiesta le encontré, caballero, dije yo, en esta vida. Y así me respondió: yo vendo peras, manzanas y Scooby-Doo-Bidoo. Peras, peras y Scooby-Doo-Bidoo. Scooby-Doo-Bidoo. Después de la presentación en el barrio le invité, que toma usted, le pregunté, y así me contestó: yo quiero peras, manzanas y Scooby-Doo-Bidoo. ¿Ah? Peras, peras y Scooby-Doo-Bidoo. ¿Ah? Scooby-Doo-Bidoo. Me dijo luego que el amor es la fruta 100%, más que tan solo sienta bien, en justa proporción. Me daba peras, manzanas y Scooby-Doo-Bidoo. Peras, peras y Scooby-Doo-Bidoo. Scooby-Doo-Bidoo. Marchó sin darme explicación, y yo saco en conclusión, se fue pensando que es mejor la fruta que el amor. Yo quiero peras, manzanas y Scooby-Doo-Bidoo. Peras, peras y Scooby-Doo-Bidoo. Scooby-Doo-Bidoo. Voici donc un petit bonjour à Paulette. Voici donc Léla Margy, cœur d'oiseau. Un fiacre allait trottinant, car un car il y a plein. Un fiacre allait trottinant, jaune avec un cocher blanc. Derrière les stores baissés, car un car il y a plein. Derrière les stores baissés, on entendait des baisers. Puis une voix disant Léon, car un diable. Puis une voix disant Léon, tu fais mal au ton leur nom. Un vieux monsieur qui passait, car un diable. Un vieux monsieur qui passait s'écrie: mais on dirait que c'est ma femme dont j'entends la voix. Car un diable, ma femme dont j'entends la voix, qui se lance sur le pavé en bois. M'œil glisse sous le sol mouillé, car un diable. M'œil glisse sous le sol mouillé, crac, le v'là escrabouillé. Du fil y a cru d'un sort et dit ya ya il y a plein du fiacre d'un sort et dit oh chouette Léon c'est mon mari. Y'a plus besoin de nous cacher, ya, ya, tu dis à plus, y'a plus besoin de nous cacher, donne donc 100 sous à ce cocher. Un fiacre à l'être quinant, ya, ya, tu dis à plus, un fiacre à l'être quinant, jaune avec un cocher blanc. Les filles, si vous saviez ce que l'amour m'a fait, de moi auriez pitié. Quand vous me feriez, les filles, si vous saviez, car vous en pleureriez. Moi aussi j'ai cru au printemps, moi aussi j'ai cru au serment, moi aussi j'ai des souvenirs, moi aussi j'ai cru en mourir, j'ai cru tout ce qu'il me disait. J'ai cru que le bonheur existait. Moi aussi j'ai vu des beaux jours. Moi aussi j'ai eu de l'amour. Que les gens du quartier, que les gens par milliers, et que le monde veuille bien m'écouter. Le bon Dieu a créé les fleurs, la vie, l'été. Mais pourquoi inventer l'affreux besoin du printemps, moi aussi j'ai vu du tourment, moi aussi j'ai cru à la vie, mais la joie bientôt est finie, et quand je vois des amoureux, je reste des larmes dans les yeux. Moi aussi, j'ai eu de l'amour. Moi aussi, j'ai eu le printemps. Donc juste un instant, on a pu entendre tout simplement Lucien Boyer avec Moi aussi. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel organise son bal de commémoration de la Révolution des œillets le samedi 21 avril, salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc. À cette occasion, on a décidé de vous dérouler le tapis rouge. Si je vous dis « Et pour tout guiser, mage linde »« En goût, me son bien attache »« Ou en tout cas, d'où est-ce ?»« Sans sûrement, elle est pas tard aussi, tout. » Bon, allez, arrêtons le mystère.

vrai, elle louche. Tu crois qu'il s'en aperçoit, lui, qu'elle louche? Demande-lui toujours, tu le connais depuis 20 ans. Dis donc, chose. Ah ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ta femme, mon vieux chose, est charmante en tout point. Pourtant, il y a quelque chose que je ne comprends point. Ce matin, par mégarde, j'ai contemplé ses yeux. Quand le droit me regarde, le gauche implore les cieux. Ah ben c'est toi qui fais son charme, un charme différent. Elle est pas comme les autres et c'est bien plus marrant. Elle n'est pas très ingambe et j'ai cru voir ma foi qu'elle traîne un peu la jambe et que cette jambe est en bois. Le plus drôle c'est sa tête qui penche sur un côté car elle est contrefaite, ça je l'ai tout de suite noté. C'est un effet son charme, un charme différent. Elle est pas comme les autres, c'est bien plus marrant. Un frisson, je te le jure, a parcouru ma peau quand j'ai vu sa chevelure rester dans son chapeau. Elle s'est mise à sourire d'un air embarrassé. Et j'ai vu, je peux le dire, ses danses déchaussées. C'est ce qui fait son charme, un charme différent. Elle est pas comme les autres, elle s'est bien plus. Sans reproche, je te le dis tout bas. Ta femme, ce qu'elle peut être moche, ça ne se discute même pas. Ah bon ça, je le proclame, tu peux le dire tout haut. Justement, ma petite femme, elle est sourde comme un pot. C'est ça qui fait son charme, un charme différent. Elle n'est pas comme les autres, elle devient plus thank you. gypsy, you sais frivole, gypsy. Moi, le bonheur m'a quitté pour toujours. Dou dou dou dou dou dou dou dou dou dou dou dou dou. Fleur de vanille avec Henri Jeunesse. Ah, si vous connaissiez ma fleur de vanille, ah, vous sauriez pourquoi j'en ai levé qu'un. C'est la plus belle fleur des vieilles Antilles. Et à part de l'argent, il lui manque rien. Elle a un petit air canaille. Et moi, je suis un canaille. Elle a une robe de paille. Mais moi, pas empaillé. Ah, si vous pouviez voir ma fleur de vanille, lorsque dans l'océan elle va se baigner, elle glisse dans l'eau comme une torpille, et c'est sûrement pour ça qu'elle m'a torpillé. Pendant ce temps-là, sous les palmes de dentelle, en mâchant de la cannelle, j'attends qu'elle soit séchée. À ce moment-là, il suffit d'une étincelle, je vous ferai pas une aquarelle, vous vous avez tous deviné. Ah, si vous connaissiez ma fleur de vanille, quand je la vois grimper sur un cocotier. Moi je suis là en bas, j'ai les yeux qui brillent, et c'est pas le soleil qui les fait briller. Là-bas, c'est la vie tranquille. Là-bas, c'est la vie rêvée. Et moi, pour la vie facile, je suis plein de facilité. Comme font les abeilles sur fleurs de vanille, moi je passe mon temps à la butiner. Mais comme on a tous deux l'esprit de famille, y a des tas de petites fleurs qui nous sont poussées. On en aura bientôt toute une rangée. Et tout ça c'est la faute à ce cocotier. Le cocotier, je l'ai décroché. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Lentement dans le soir, un train s'en va. Sur le quai, son mouchoir s'enfuit déjà. Dans la glace, comme un songe, le mur gris de sa maison, sous le jour qui s'allonge, s'estompe à l'horizon. Un nuage s'étire sur son toit bleu. Passant, il semble dire un triste adieu. Et tout ce que j'aimais, lorsque le train vire dans un flot de fumée, s'efface à jamais. Croyant trouver l'amour, on fait un beau rêve. Mais l'orage emporte votre bonheur. Le beau roman s'achève. Et c'est en votre cœur. Le train s'en va. Sur le quai, un mouchoir s'enfuit déjà. Dans la glace, comme un songe, le mur gris d'une maison. S'estompe à l'horizon. passant, il semble dire un triste adieu. Et tout ce qu'on aimait, lorsque le train vire dans un flot de fumée, s'efface à jamais. Voici donc du passadoble. Bien 16h54 minutes. Voilà, donc on va se terminer avec cette musique. Et puis donc on va se retrouver prochainement. Donc n'oubliez pas, à partir de 10h20h30, vous allez retrouver l'émission plurielle. Et puis juste après eux, entre 20h30 jusqu'à minuit, l'émission Inca. Voilà, donc eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Et puis on se retrouve prochainement. Et je vous dis bonsoir. Une radio pour moi? Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel organise son bal de commémoration de la Révolution des œillets le samedi 21 avril, salle Montition à Saint-Jean-le-Blanc. À cette occasion, on a décidé de vous dérouler le tapis rouge. Si je vous dis, a portuguesa é a mais linda? Algumas são beatas. O autocarro do amor? Só se o Manel apertar o cinto. Bom, allez, arrêtons le mystère. Jorge Ferreira e sua banda seront parmi nous avec le groupe de bal Nova Imagem pour animer la soirée. Alors réservez dès maintenant votre samedi 21 avril à partir de 21h, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, pour une soirée exceptionnelle avec Jorge Ferreira e sua banda. On compte sur vous tous. Hey Christine, tu crois qu'Hélène, elle sera là? Iriana. Mais oui, Hélène, tu sais bien, t'as un grand zibo, je parece-me louche. Allez, arrête. E prontas a comer, anda lá. Votre agent Renault et Dacia vente de véhicules neufs et occasion. Cap 45, votre spécialiste de la carrosserie peinture et mécanique, vous accueille du lundi au samedi de 8h à midi et de 14h à 18h30. Parc d'activité Les Aulnais, 901 route de Bourges à Olivet. Pour un rendez-vous efficace, 02 38 22 16 29. Cap 45. Arc-en-ciel, la radio 100% différente.